L'exposition des livres, photos et articles d'artisanat coréen consacrés à la journée du soleil est ouverte le 5 au musée des beaux-arts de la ville de Komsomolsk sur Amour, Russie. On y a exposé les photos sur la vie révolutionnaire sacrée et les exploits du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, les photos des activités révolutionnaires des dirigeants suprêmes Kim Jong-un, les ouvrages des grands hommes Baek-Tosan, les publications montrant la supériorité du régime socialiste coréen axé sur les masses populaires et son brillant développement, et les produits d'artisanat empreints de l'intelligence et des talents du peuple coréen. Yon prépare le maire de la ville Komsomolsk sur Amour, autre personnalité de la municipalité, le personnel du musée des Beaux-Arts, les citadins, les intéressés de la presse, ainsi que le consul général à Jeonju et le consul coréen à Khabarovsk. L'exposition continue jusqu'au 22 avril.